106.3, la jungle des luttes sur FPP, programme proposé par le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, tous les troisièmes lundis du mois en direct de 19h à 20h30 et retransmis le quatrième jeudi de 8h à 9h30. Donc vous pouvez rencontrer le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte le 1er, 3e et 5e mercredi du mois, 33 rue des Vignoles dans les locaux de la CNT. Si vous voulez nous rencontrer, partager une lutte avec nous et éventuellement un jour proposer de raconter une lutte auquel vous vous intéressez pour en parler dans notre programme qu'on organise donc en direct, Jungle des luttes, les 3e lundi du mois. Et donc cette semaine, on va parler, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas parlé, de Notre-Dame-des-Landes, ce qui se passe là depuis que finalement il y a enfin eu l'abandon du projet d'aéroport. On sait que ça a été difficile la suite aussi, puisque c'est toujours difficile de prendre des décisions, puisqu'il fallait pouvoir accepter de remplir des petits dossiers pour avoir des projets, pouvoir rester sur la ZAD. On sait que ça avait créé des conflits. Enfin, en tous les cas, on va pouvoir en parler avec les copains qui sont encore sur place, de ce qu'ils sont en train de développer, quels projets ils ont pu faire grandir depuis. Et on parlera aussi des rencontres qu'il y aura fin août aux alentours de Biarritz. Et on parlera ensuite de tous ces projets extractivistes, des mines qui sont un peu partout décimées dans le monde et ravagent partout la nature, les populations qui sont sur place. Et donc, on sera avec une copine qui a voyagé un peu en Guyane et qui s'intéresse aussi un peu aux autres projets comme en Rhénanie ou qui est aussi s'intéresse à ce qui se passe du côté de Bure. Et donc voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant, justement, il y a une petite rencontre à Bure au début du mois d'août. Donc voilà, il y a sûrement des projets tout l'été pour pouvoir se mobiliser et être solidaire avec tous les copains en lutte et en résistance contre les grands projets capitaliste, destructeur. Et donc, on fait une petite pause musicale avant de prendre notre copain de Notre-Dame au téléphone. Donc, normalement, on devrait être synchro. À tout de suite, FPP 106.3, la jungle des luttes. Pasas tus días siempre a través de la ventana soñando el tiempo perdiendo a veces con desgana. Ya muy temprano has preparado el desayuno y ahora tienes que apurarlos uno a uno. Ir al mercado para pelear con el marchante, volver cargada con mil trabajos por delante. Un poco para observar la primavera, sabiendo bien que tu reino no está fuera. Dejar tus manos entre los platos y las penas, buscar ansiosa la hora de la telenovela. A platicar con la vecina de algunos chismes de su marido en la cantina. Bañar los niños, pues llegan hechos una pena y luego tienes que ir a preparar la cena. Juegan los días, las que tú eres un dibujo de algún 89.3 FPP, la jungle des luttes. On commence donc notre émission avec Notre-Dame-des-Landes, bien contente et contente de vous entendre, enfin en tous les cas à travers toi. Et salut à toi l'ami, tu es là avec nous, tu nous entends bien? Allô. Donc peut-être que tu nous entends, mais nous on a du mal à t'entendre. Et du coup je racontais dans l'introduction que on avait depuis longtemps pas réussi à se connecter pour avoir des nouvelles. Et on était très curieux de savoir ce qui se passait du coup sur les territoires de Notre-Dame, cette zone défendue déjà et qui n'est plus à défendre maintenant. Enfin, il reste à défendre encore et toujours, bien sûr, mais il y a une première étape qui a été bien franchie. Et donc, du coup, là, on était curieux de savoir comment avaient pris forme tous ces projets, comment vous étiez, comment vous sentiez, comment ça se passait avec, du coup, les paysans qui, eux, étaient déjà sur place et les liens avec les autres qui sont peut-être partis, qui reviennent, les termes des relations. Mais peut-être que ça marche pas. Si ça marche pas, du coup, peut-être qu'on peut mettre une petite pause musicale et on essaie de voir ce qui se passe. Petite pause musicale et on essaie de reprendre le fil. Technique a repris son cours. Là, tout va bien. Je crois qu'on peut t'entendre. Salut. Ouais, salut Vicky. Salut, ouais, super. Merci de nous appeler. Et puis, contente, comme je le disais, d'avoir de vos nouvelles. Enfin, en tous les cas, de toi, ton projet et avec les copains. Et puis, peut-être que tu peux nous donner aussi des nouvelles des autres collectifs autour et peut-être des paysans aussi, de tout ce qui se passe là-bas. Sur ce qu'on a appelé la zone, et je disais du coup, bon voilà, ça a été défendu, il reste encore à défendre plein de choses, donc raconte-nous tout ça si tu veux bien. Bon alors déjà pour commencer, comme d'habitude, je vais vous donner un point de vue personnel, je peux pas parler au nom de tous les points de vue et de tout le monde. Alors nous, on fait partie des 18 lieux qui avons... décidé d'accepter de signer un projet agricole pour pouvoir rester sur la zone. Et donc nous, on fait un projet de maraîchage. On est plutôt un collectif végétarien et on a une cantine végane. Et du coup, voilà, il y a eu... bon, je dois reconnaître, même si c'est un peu difficile d'assumer ça, que... Pour le moment, l'État était plutôt réglo dans ses négociations. Il a plutôt essayé de faire en sorte que les gens qui voulaient rester jouer le jeu, ce jeu-là, puissent s'installer sur les terres qu'ils ont demandées, plutôt en prioritaire par rapport aux autres agriculteurs qui étaient collabos et qui avaient des conventions d'occupation précaire sous le régime de Vinci, on va dire. Mmh. Qui du coup cultivaient les terres en attendant que le projet d'aéroport se fasse. Donc eux aussi, ils ont la possibilité de signer des baux aujourd'hui. Donc c'est un peu nos ennemis dans le sens où c'est plutôt des agriculteurs conventionnels FNSEA qui cherchent à s'agrandir, qui ont des pratiques pas très environnementales et voilà. Donc, nous, sur la ZAD, il y a eu, on va dire que nous, les gens qui sont venus défendre la ZAD contre le projet d'aéroport, on cultivait et on habitait sur 300 hectares. Et donc, le reste, ça revient aux agriculteurs historiques et aux agriculteurs qui avaient vendu, qui continuaient à exploiter sous Vinci et qui, du coup, étaient prioritaires pour pouvoir récupérer les terres et avoir des soit racheter, soit avoir des baux. Nous, on a demandé des baux environnementaux, c'est-à-dire que c'est des baux où. Toi, vous, votre groupe, ton collectif ou tous les collectifs qui Non, étaient... tous les collectifs de Ouais. la ZAD, on a décidé de signer des baux, mais pour qu'ils soient environnementaux. Parce que C'est-à-dire du où coup, il tu y a vas. quand même réussi à avoir une négociation qui a été collective du côté de ceux qui avaient occupé la ZAD. Du coup, ça, vous avez réussi, même s'il y a eu du coup des conflits avec ceux qui n'étaient pas pour rester sur place et... signer des accords et négocier avec le gouvernement, vous avez réussi à avoir quelque chose de... Ouais, alors je dirais que effectivement, il y a des gens qui ont eu leurs cabanes détruites, hein, il y a eu 38 cabanes détruites et maisons expulsées, qui n'ont pas voulu signer de projet agricole. Effectivement, je comprends que ces personnes, elles acceptent difficilement que leur ancien pote il soit prêt à négocier avec l'État pour pouvoir rester. Moi, mon point de vue, c'est que la lutte continue. Enfin, c'est pas parce qu'on a arrêté un projet d'aéroport qu'on a fini de lutter contre le système capitaliste et les lobbies en tout genre. Ben oui, parce que si vous partiez, vous pouvez s'installer après n'importe qui, enfin avec n'importe quelle éthique derrière aussi agricole, Ouais, bah c'est justement. ça. Il dit que la terre, elle est toujours à Ouais. défendre, que ce soit contre des agriculteurs pollueurs, que ce soit contre des projets d'urbanisation galopante, là, parce qu'en fait, ils continuent à faire des zones commerciales enfin, autour de la ZAD, et puis aussi contre l'urbanisation des pavillons avec des bouts de jardin, de gazon autour, quoi. Donc, en fait, il y a un moment. Voilà quoi, faut continuer à lutter contre tout un tas de choses ici et ailleurs, et que c'est quand même bien d'arriver à rester Oui, à tenir le d'avoir territoire. tenir ce territoire que vous avez défendu, oui, bah oui, avec tous les projets que vous aviez déjà commencé aussi à avancer. C'est-à-dire que du Ouais, coup, c'est ça. c'était quand même Exactement. plusieurs années de. Et donc du coup sur les donc vous avez tous demandé les mêmes, je t'avais un petit peu interrompu juste pour refaire un petit retour au cas où sur ce qui s'était un peu passé avant. Et donc du coup vous avez tous négocié les mêmes types de baux, du coup les collectifs qui Voilà, sont sur. c'est des baux environnementaux où on demande que les gens qui cultivent, en tout cas sur la zone qui nous reste, ils respectent les haies, les mares, et ils n'utilisent pas de produits phytosanitaires dans les champs, quoi. Et voilà, quoi. Donc, pour nous, c'est le minimum à respecter pour préserver. Ne serait-ce que la terre et puis la zone humide la faune et la flore, quoi. Donc à côté de ça, les autres agriculteurs, eux, ils ont des baux normaux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et ils le font. On a juste pour, je pense, par provocation, ont déversé pas mal de lisier sur la parcelle d'un pote. Ils ont épandu plein de glyphosate. Le champ, il était tout jaune fluo. Aïe. Enfin voilà, et en fait, il y a un peu un bras de fer. Alors, il se trouve que, bon, pour la petite histoire, enfin non, pour l'histoire, la Chambre d'agriculture était passée à la Confédération paysanne, je crois que c'était en mai, donc c'était plutôt une bonne surprise. Ils avaient gagné les élections à deux voix, et du coup, la FNSEA a fait appel, et a demandé à ce que les élections soient refaites. Il se trouve que voilà, même si tu as gagné, ben non, t'as pas gagné. C'est comme à Istanbul, tu vois, ou dans d'autres endroits. Ils refont les élections et il se Jusqu'à... trouve que peut-être ça va être plus compliqué pour nous Enfin, on va, si c'est la FNSEA qui passe ce coup-là, ça va être plus compliqué pour nous de maintenir, tu vois, les 300 hectares de respect de la nature sur la zone, quoi. Donc, bon, après, on n'en est pas à des énormes exploitations pour le moment autour. Il n'y a pas la ferme des 1000 Mille vaches ou des vaches. 3000 cochons. Mais voilà, nous, on va dire que les gens qui sont restés, c'est aussi des gens qui étaient motivés pour faire des projets agricoles. Et c'est vrai que les gens qui n'ont pas signé de baux agricoles, ils avaient peut-être pas non plus leur priorité sur la ZAD, quoi. Oui, de travailler la terre. Après, il faut aussi avoir cette possibilité, effectivement, de... Bah, c'est vrai que bah, tu vois, toutes les activités sont utiles, hein, que ce soit de faire de la radio ou s'occuper plutôt des gens qu'on a besoin ou de faire les ad news. Il y a tout un tas d'activités qui ne sont pas directement de la production agricole. Après, moi, je considère que si on décide d'occuper des terres agricoles, bah, faut les travailler, quoi. Sinon, on est des néo-ruraux Bah oui, c'est pour qui ça, ouais. profiteront d'un espace vert comme. Oui, comme... Donc voilà. En tout cas, là, on est pas mal à fond dans les projets agricoles parce que voilà, c'est le printemps et l'été. Et du coup, ça avance bien. Là, vous avez réussi à travailler toutes les terres ou à vous organiser pour que chacun puisse avoir ses activités qui lui correspondent. C'est à peu Ouais, bah après, près... on va dire qu'on lance des vraies activités, parce qu'avant, c'était plutôt vivrier ce qu'on faisait, tu vois, on n'avait pas trop de visibilité. Là, avec des baux de 9 ans, on se dit, bon, bah voilà, on peut vraiment s'investir. Du coup, nous, par exemple, on a racheté deux serres, on a racheté du matos pour faire de l'irrigation, et puis, donc on va quand même, on va produire plus de légumes, mais en respectant, en faisant du bio et en faisant ça bien, quoi. Bon, c'est du taf, mais on n'est pas non plus productiviste. On va essayer de vendre ça pas trop cher à des gens qui nous soutiennent et pas forcément à la Biocoop, tu vois. Ouais. On essaye plutôt de monter des projets en lien avec les gens Sur la région, sur le local à côté. Et des gens qui n'ont pas de terre et qui ont envie qui viennent qui passent filer des coups de main ou voilà quoi, faire un peu de l'échange comme ça. Donc ça, c'est plutôt bah, où on en est par rapport aux négociations pour garder les terres agricoles. Il y a aussi la forêt de Roanne qui, a priori, de l'entretien de la forêt devrait revenir à la ZAD, parce que c'est, d'après ce que j'ai compris, c'est pas une grande forêt. Du coup, elle peut être considérée comme quelque chose qui est entretenu par, on va dire, des privés. Sinon, on veut justement que ce soit une vision collective par rapport au bois d'œuvre pour construire faire des constructions et puis au bois de chauffage. Et que ce soit pas l'ONF qui est mis sous pression pour faire de l'productivisme. D'ailleurs, on est proche d'eux, ils sont venus projeter leur film. Et voilà, on sait qu'eux, ils souffrent aussi de ce nouveau vague de productivisme sur les forêts, là. Donc, ils viennent, voilà, on a des échanges avec eux. Et quoi d'autre? Bah, sinon, sur les bâtiments, on est en négociation, alors plutôt avec. Bon, alors, ce qui est assez étonnant, c'est que le conseil départemental, qui avait acheté la plupart des terres depuis 40 ans en prévision du projet d'aéroport, était prioritaire pour racheter les terres. Eux, ils décident de nous signer des baux. Ils restent propriétaires, mais ils nous signent des baux, alors que ce soit dans un premier temps pour les fermes et les projets agricoles, et après, probablement pour l'habitat. En fait, Gros Valet, qui était un peu notre pire ennemi, le pote de Jean-Marc Ayrault, qui voulait absolument l'aéroport, qui a des socialos bien caviar de Nantes, là, Tout d'un coup, je pense que vu que son parti socialiste s'est effondré, eh ben, il a vu la Vierge et maintenant il est devenu notre allié. Et il dit que soutenir les nouveaux habitants de la ZAD et les projets alternatifs agricoles et sociaux. Et donc en fait, il se refait un peu une Une virginité. santé, ouais. Donc apparemment, le conseil départemental veut même injecter de l'argent et l'État aussi. Mais bon, nous, on ne veut pas trop le prendre, quoi. Donc on Ouais. essaye plutôt de... On a lancé un fonds de Tenir sa dotation. distance tranquille, quoi. Ouais, alors du coup, on a lancé un fonds de dotation pour récolter des fonds pour essayer de racheter bah, les terres qu'on peut et les bâtiments qu'on peut pour le sortir un peu de la, bah, déjà de la La spéculation zone 1. etc. et aussi si jamais l'État va sûrement vendre ce que l'État avait acheté. Le conseil départemental a décidé de ne pas vendre pour le moment, mais on se dit qu'en fait même si pour le moment ils ont l'air réglo et que ça se passe plutôt correctement, on sait que les politiques, eh ben, ils changent régulièrement et ils changent de bord et que vu ce qui se profile, on n'est pas trop sûr de l'avenir. Donc on préfère essayer de racheter ce qu'on peut et avoir une gestion collective des gens qui restent. Donc il y a une assemblée des usages qui est constituée pour justement essayer de déterminer quels sont, si tu décides de rester sur la ZAD, quels sont le fonctionnement auquel que tu dois accepter, quoi. Et donc pour le moment, le fonds de dotation a réussi à récolter 400 000 euros. Et il en faudrait 3 fois plus pour acheter les premières ventes de l'État, quoi. Donc voilà, C'est déjà c'est pas mal. pas gagné, hein, mais Ça. il y a eu 1 000 personnes qui ont donné de l'argent et actuellement on en est à 400 000 euros. Donc Mais si du vous coup, vous continuez, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que vous continuez justement à récolter des fonds, j'imagine, et donc peut-être que tu peux lancer un appel si ça intéresse des gens. On ouais. peut relayer aussi peut-être à d'autres moments. Ouais, si jamais vous connaissez des gens à Qui ont qui de restent de l'argent. l'argent, etc., mais qui savent pas quoi en faire, qui ont envie d'investir dans le futur et de se dire bah voilà, là il y a un projet qui a priori plutôt positif et que vous avez envie de le soutenir, et ben vous pouvez taper alors ça s'appelle La Terre en commun, le fonds de dotation, et voilà, vous pouvez faire des dons et ce sera super cool. Et On donc retient. voilà, la terre en commun. Bon, Et très puis bien. sinon, bah, pour vous parler un peu plus de l'actualité on continue à faire des rassemblements et à essayer de reconstruire le mouvement qui, il faut reconnaître que l'État avait réussi à pas mal diviser tout le monde et puis tout le monde était fatigué de toutes ces années de lutte. L'an dernier, en juillet, on avait repris un peu la date du rassemblement annuel et on avait lancé ZAD en vie pour dire qu'en fait on n'était pas mort et qu'on continuait à lutter, à rester et qu'il y avait d'autres thèmes à défendre dans ce monde. Et donc là, on relance le ZAD en vie 2019. Donc ce sera le 5, 6, 7 juillet. Et voilà, bah, tout le monde est bienvenu pour. Alors vous pouvez taper zadenvie.org, c'est tout attaché zadenvies.org et vous verrez la programmation qui est assez riche en fait. Il y a les luttes, ça parle de lutte locale, de lutte globale, de. Alors là-dedans, il y a les luttes il y a des potes gilets jaunes dont on fait partie d'ailleurs pas mal sur la ZAD qui vont venir un peu faire un bilan. Il y a des gens plutôt des jeunes qui sont engagés dans le climat qui vont venir aussi. On va fêter les 10 ans du camp Action Climat qui a eu lieu sur la ZAD en juillet. Et puis il y a Extinction Rebellion aussi, un pote de d'Angleterre qui va venir un peu faire un point, et puis les potes de Nantes aussi qui ont fait des actions là dernièrement, qui vont venir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au programme? Il y a les copains exilés qui font tourner l'autre cantine pour nourrir tous les potes exilés dont l'État s'occupe pas, quoi. On a réussi à monter un réseau de solidarité sur Nantes qui fait qu'on arrive à nourrir les potes et puis à ouvrir des squats, même si c'est compliqué parce que ça tient pas très longtemps en ce moment. Mais bon, voilà, il y a des projets pour essayer de faire du soutien aux copains là, et puis du coup ils vont venir avec leur cantine et ils vont faire à bouffer sur le rassemblement pour gagner un peu d'argent, et puis que ce soit pas, tu vois, qu'ils soient pas toujours à recevoir des dons, mais plutôt à donner aussi des bonnes recettes de cuisine. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre au programme? Je sais plus, il y a pas mal de trucs en fait. Ben Rod, c'est donc Zad Envie, c'est ça? Ouais, c'est Zadenvie 2019. au pluriel.org, le site où vous pouvez Voilà. voir ça. Comme ça, on peut. C'est le 5, 6, 7 juillet. Voilà. Et après, dans l'agenda, juste après, il y a un camp qui s'appelle le Transborder Summer Camp. Donc ça, c'est un réseau de soutien aux exilés et aux gens enfin, ils ont mis en place un numéro de téléphone d'urgence pour les gens qui naufragent en Méditerranée, pour qu'ils appellent et que du coup les gens lancent des réseaux d'alerte et que ce soit les bateaux militants qui restent. Et puis voilà, il y aura aussi les gens de l'Exodus ou de différents projets comme ça qui vont venir. Et puis voilà, quand il y a un naufrage, ils alertent les États en disant, et puis les bateaux dans la zone, en disant là il y a des naufragés, il faut les secourir, et en foutant la pression. Et puis c'est aussi des réseaux qui sont autour de la Méditerranée pour faire de l'accueil. Et voilà. Donc là, ils viennent à environ 600 personnes de différents pays, que ce soit d'Europe ou d'Afrique. Mais par contre, c'est un camp plutôt fermé, enfin c'est sur inscription. Il y a des gens localement qui vont venir pour prendre de l'info, mais on peut plus accueillir Plus de plus de personnes, oui, c'est ça. Et ça, puis. c'est du 9 au 14 juillet, juste après le Zadanvi sur le même site. Et puis après, il y a le gros rassemblement auquel tout le monde est invité, qui est au Pays Basque pendant le enfin juste avant Le le G7. G7. Donc c'est le village du contre-sommet du G7 qui sera du 19 au 23 août. Donc ça c'est un enfin peut-être que je parle trop, hein, si vous voulez passer de la musique Ben non, on va enchaîner, on a enchaîné, t'as vu, t'enchaînes tout bien, il n'y a pas de souci, on fera la pause musicale après, pas de souci. ça fait beaucoup Avec pour moi. plaisir, ouais, non mais les gens vont digérer petit à petit, tranquille, de toute façon ils se rappellent qu'ils peuvent cliquer pour réenregistrer tout, puis ils ont, je pense, compris. Ouais. De toute façon, voilà, il y a de la com là-dessus. C'est le contre G7. Le G7 se passe à Biarritz du 25 au 27 août. Avant ça, nous, on fait un village du 19 au 23 août. A priori, ça devrait être à Hendaye et Irun pour la première partie. Et après, il y a une manif de prévu le 24 en mode quartier libre. Alors là, l'idée qui est sortie, c'est de faire une zone arc-en-ciel autour de la zone rouge qui est à Biarritz. Et il y a un appel à ce que ce soit aussi le 41e acte des Gilets jaunes, et que peut-être ils fassent leur assemblée, la quatrième assemblée générale Ouais. des Gilets jaunes. Du coup, nous, on avait accueilli la deuxième à Saint-Nazaire, et franchement, c'était assez chouette. Il y avait vraiment du niveau dans l'organisation, dans l'écoute, les prises de parole, tout ça, c'était assez impressionnant. Ça donnait de l'espoir, quoi. Faire des assemblées à 600, 700 personnes qui s'écoutent, franchement, ça fait plaisir, quoi. Ouais, on savait pas qu'on savait le faire par Ouais, ici, voilà, par chez nous, parce que c'est c'était une bonne année pour ça aussi. Il s'est passé plein de choses et donc on continue. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Je pense que voilà, ceux qui veulent, vous savez, vous pouvez vous retrouver à Nantes le 4, 5, non, le 5, 6 et 7. Alors, c'est pas à Nantes, c'est à Lausanne. Hein. Ouais, ouais. Non, c'était juste pour dire que vers Nantes, puis ensuite le sud, fin août, pour finir aux alentours de Biarritz. Et donc, il y a des infos là pour cette rencontre, ce contre-sommet sur la semaine du 19 au 23. Il y a plusieurs sites du Pays Basque qui en parlent. Et la plateforme avec 55 organisations, ça s'appelle ez.g7.org. ez.g7.org, ça marche. Ça doit vouloir dire pas de G7 en basque, je crois. Un truc comme ça. Bon, bah merci beaucoup pour toutes ces infos. N'hésite pas à nous rappeler quand il y a des nouvelles informations. Okay. Et puis donc, si on veut soutenir aussi le projet des copains qui sont sur la ZAD, redonne-nous les informations si on veut, s'il y a des gens qui ont des sous à donner dans ce projet pour les rachats de bâtiments. Ouais, du coup, c'est la terre en commun pour racheter une partie des terres de la ZAD et des bâtiments qui restent. Et aussi pour reconstruire aux endroits où des bâtiments ont été détruits pour pouvoir que les gens qui sont partis puissent revenir et avoir de quoi se loger, quoi. Bon, merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Et très vite. Portez-vous bien, continuez bien et travaillez bien la terre. La lucha okay. Sigue. Avec plaisir. Ciao. C'est un vieux projet quoi, qui date de 1967, un projet qui veut construire une infrastructure aéroportuaire sur une zone bocagère, une zone agricole. Projet grandiose comme ça qui risque non seulement de détruire l'environnement, mais aussi détruire les cadres de vie, détruire aussi la volonté des gens de décider pour eux-mêmes. Le projet doit s'étendre sur 1700 hectares. C'est un projet inutile et dépassé. Le coût de ce projet est faramineux. Il pourrait atteindre plusieurs milliards d'euros. Il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, il n'y a pas de personnel pour les écoles. On n'arrête pas de nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour les services sociaux. Mais alors il y a toujours de l'argent pour ce genre de conneries. Plusieurs milliards. Un mouvement d'occupation s'est étendu sur les bâtis et bocages menacés. Nous tentons de construire ici des solidarités, des confiances, de la puissance collective, des moyens d'action. Nous voulons prendre des décisions qui concernent nos vies. Des gens qui sont là essentiellement pour l'aspect de vie collective et de plantation de potager, des gens qui ont construit des éoliennes à partir de rien et qui sont autonomes aujourd'hui en électricité, des gens qui ont monté des sambas, des activités de clown, des ateliers d'écriture, il y a une profusion de gens. Pour les besoins du chantier de l'aéroport. Les forces de l'ordre sont à chaque carrefour. Mardi, c'était la guerre, dit Alain. C'était le premier jour des expulsions des activistes qui occupent la zone à défendre, la ZAD. C'est une question de choix de société. Jeunes et vieux, solidaires, virés par les flibustiers, indiens, paysans sans terre, humiliés. Ils ont versé tous les pleurs, maudit toutes les prisons. Dis pourquoi auraient-ils peur et de quoi donc? Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, regarde, ils te ressemblent ceux qui disent non. 106.3 FPP, la jungle des luttes. Donc, vous l'avez entendu, à Notre-Dame-des-Landes, il continue à y avoir plein de projets agricoles. Et donc à construire autrement aussi, et puis proprement. Et donc il nous invite à nous rendre le week-end de juillet, le premier week-end de juillet, le 5, le 6, le 7. Et donc il y a un petit programme que vous pourrez trouver, on en a parlé. Et on a aussi, je vous l'annonce pour ceux qui sont amis du CSPCL, qui nous connaissent un peu, qui ont fait des choses avec nous, même que de passage, que à l'occasion, ou qui ont été, qui ont participé aux assemblées, on vous propose de vous préparer à fêter nos 25 ans l'année prochaine. Et donc, le 18 septembre, il y aura une assemblée où on vous invite tous à venir rue des Vignoles, au 33 rue des Vignoles, là où on se rencontre tous les premiers, troisième et samedi, mercredi, pardon, premier, troisième et cinquième mercredi à 20h30. Donc là, ce sera à 19h, une assemblée pour vous inviter à préparer avec nous ce 25e anniversaire. Donc on s'y prend un petit peu à l'avance, mais bon, il faut toujours prendre du temps pour faire des choses un peu en grand, si on espère que ce sera le cas. Donc vous êtes invités à mettre dans vos petites tablettes si vous voulez venir nous filer un coup de main, proposer de participer, être là, présente, nous donner des idées avec plaisir. Et donc sinon, donc vous pouvez nous rejoindre au 33 rue des Vignoles à la CNT, 1er, 3e, 5e mercredi du mois, comme l'a fait notre copine qui est là aujourd'hui et qui s'intéresse aux luttes indigènes ou aux projets destructeurs, et donc un peu attentive à ce qui se passe, et a été justement en Guyane. Et va peut-être pouvoir nous parler un peu de ce qu'elle a vu et de ce qu'elle a rencontré, de qui elle a rencontré, de ce qu'elle a vu avec, si on le s'en rappelle bien, ce grand projet de mine d'or qui était notamment donc en Guyane française, mené par ce gouvernement. Et donc toi, tu y es allé au départ plutôt pour faire des études. Et en même temps, voilà, ça, chemin faisant, donc tu as découvert tout un tas de choses que tu vas partager avec nous. Merci d'être là avec nous. Et puis, je crois que tu as d'autres choses aussi à nous raconter après, mais on commence par les mines d'or en Guyane. C'est ça. Merci beaucoup de m'avoir avec vous ce soir. Du coup, ouais, j'ai été amenée à passer 3 mois en Guyane le semestre dernier, de septembre à novembre 2018, en m'intéressant du coup au mouvement d'opposition à la Montagne d'Or. La Montagne d'Or, ce grand projet industriel de mine d'or en Amazonie guyanaise, voilà, qui est donc l'actualité dernière, c'est qu'a priori, le gouvernement a décidé d'abandonner le projet. Bon, sûrement avec un certain intérêt électoraliste avant les élections européennes. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en Guyane, il y a beaucoup de permis d'explorer, d'exploiter, qui sont délivrés, qui rendent finalement, qui font de la Montagne d'Or l'arbre qui cache la forêt extractive en Guyane, en fait. Donc le combat continue. Mais en tout cas, voilà, je me suis intéressée le semestre dernier à ce mouvement d'opposition contre la Montagne d'Or. J'étais surtout basée dans l'ouest guyanais, à Saint-Laurent-du-Maroni. On connaît souvent très peu la Guyane, donc ça va être un peu l'occasion de parler de ce territoire d'outre-mer situé donc en Amérique du Sud. Donc Saint-Laurent-du-Maroni, deuxième plus grande ville de Guyane, où étaient basés donc la plupart des opposants à la Montagne d'Or, notamment par exemple des groupes autochtones avec les jeunesses autochtones de Guyane, qui étaient bien au devant de la lutte contre le projet minier. Et aussi, également, j'étais pas mal avec le groupe Amazon à défendre, voilà, basé aussi dans l'Ouest. On a plus parlé dans les médias du collectif Hors de Question, avec des membres qui sont plus basés à Cayenne, en fait. Voilà, et donc... là où il y a les pouvoirs, un petit peu, la visibilité qui se fait toujours peut-être plus facilement sur des zones stratégiques au niveau politique aussi. Tout à fait. Et du coup, dans l'Ouest, c'est la ville de Saint-Laurent-du-Maronnier, c'est la ville la plus proche, en fait, du projet. C'est une centaine de kilomètres, mais c'est celle qui est la plus proche. Et donc, sûrement... Les premiers impactés. Bon. Voilà. Et donc, pendant ces 3 mois, je me suis intéressée à un certain nombre de choses. Donc, au renouveau en fait, du mouvement amérindien qui a été... à l'occasion donc du coup dans ce mouvement d'opposition en fait contre la Mondaine d'or, donc ce mouvement-là, il a donné lieu à un certain renouveau du mouvement amérindien en Guyane, un mouvement qui avait émergé dans les années 80 à la base. À côté de ça aussi, ça a donné ce mouvement-là, il a donné à voir pas mal de tentatives d'alliance intercommunautaire donc entre amérindiens et plus des groupes qu'on peut qualifier de blancs surtout et de personnes métisses, qui sont issues. C'est plutôt indigène et blanc. Il y a pas classe métisse, pardon. Ou c'est pas comme ça qu'ils se définissent. Enfin, sur le devant de la scène, on va dire que c'est surtout les Amérindiens avec les groupes qu'on peut qualifier de blancs métropolitains, donc des personnes en fait qui vivent en Guyane mais qui sont originaires plutôt de France hexagonale. Mais après, bien sûr, il y a des individualités et des personnes créoles d'une part, donc voilà, et bouchiningues. Donc souvent, comme on ne connaît pas trop en Guyane, il y a toutes ces catégories-là de population, donc les créoles issus de l'esclavage, les bouchiningues et les bouchiningues également issus de l'esclavage, mais du marronnage, c'est-à-dire historiquement des personnes qui se sont échappées des plantations et allaient se réfugier dans la forêt et donc ont eu des modes de vie après un petit peu parallèles aux Amérindiens. Voilà, et donc les bouchiningues, ils sont plus nombreux dans l'ouest de la Guyane. Voilà, donc ce mouvement d'opposition qui a donné lieu donc à des tentatives d'alliance intercommunautaire, en fait, donc au-delà de ces frontières-là ethno-raciales en Guyane. Et un troisième sujet auquel je me suis intéressée, c'est tous les débats de société autour du modèle de développement vraiment à adopter pour la Guyane et les alternatives au développement et à ces modes de développement qui se développent au sein de ce mouvement d'opposition à la Montagne d'Or. Et donc, tout ça, c'est intéressant de le relier avec tout ce qui se passe ailleurs dans tout le continent américain et puis même dans le monde plus largement. Donc, au lieu de le relier juste souvent quand on étudie la Guyane et quand on lit des choses sur la Guyane, on va souvent lier les dynamiques locales aux dynamiques en Outre-mer ou les relier aux problématiques nationales. Or, c'est super intéressant aussi de lier la Guyane à son continent. Mais oui, puisque le système politique capitaliste sévit à peu près de la même façon, avec les mêmes stratégies partout dans le monde, effectivement, là où il y a des richesses, et c'est un peu partout. Ouais. C'est ça, et donc c'est super intéressant du coup de voir comment la Guyane, les dynamiques extractivistes et tout ce qui se passe en Guyane en ce moment, c'est à relier au contexte latino-américain, du coup, avec des mêmes logiques qu'on retrouve partout. Et donc ce contexte-là et ces logiques-là, c'est l'extractivisme, du coup, qui sévit sur tout le continent, qu'on peut qualifier, en fait, finalement, d'une certaine maladie qui consiste à creuser la terre pour en extraire les ressources jusqu'à épuisement. Et donc c'est une prédation que subit ce continent, l'Amérique latine et les Amériques en général, depuis la colonisation. Et donc on peut aussi dire qu'il y a eu une accélération dans les dernières décennies avec ce qu'on appelle le néo-extractivisme dans d'autres pays d'Amérique latine, avec en fait des gouvernements de gauche, avec le tournant de gauche dans les années 90, et pourtant c'est qui n'ont pas arrêté finalement avec l'extractivisme et qui l'ont renouvelé avec un rôle plus accru de l'État et qui va exporter en fait ses ressources naturelles, intensifier ce processus, mais au nom du développement, au nom de la lutte contre la pauvreté en fait. Ben oui, c'est exactement ce qui se retrouve au Mexique avec tout un tas de projets et parfois maintenant justement ce président qui est de gauche aussi au Mexique argumente très facilement en parlant du développement et du progrès sans même expliquer en quoi, à qui ça va profiter. Donc en fait c'est un argument qui est balancé systématiquement sans qu'évidemment il n'y ait aucune réalité, aucune emprise sur la vie des gens, bien au contraire. Voilà, c'est ça, l'argument du développement qui est utilisé pour silencier en fait les luttes qui essaient de défendre les territoires et souvent du coup bien sûr indigènes, souvent des terres indigènes puisque bah, par exemple si on parle du Chiapas, des terres très riches en ressources naturelles et donc qui sont occupées en majorité aussi par des populations autochtones. Voilà. On fait une petite pause musicale et on reprend pour rentrer dans le vif du sujet. We'll be right back. 106.3 FPP, la jungle des luttes, programme proposé par le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, en direct encore jusqu'à 20h30 et retransmis le quatrième jeudi de 8h à 9h30. On est avec notre copine qui a fait une virée en Guyane et qui donc a rencontré les luttes et les peuples en résistance contre notamment donc cette mine d'or. Comme elle le disait, ça cache, c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que des projets, il y en a partout, pas seulement en Guyane d'ailleurs, et on le sait, et de toutes sortes. Donc mort à tous ces projets, vive la résistance des peuples. Et donc continue avec tout ce que tu voulais nous raconter, et notamment donc on était resté sur le rapport avec voilà, les projets qu'il peut y avoir au Chiapas aussi, notamment des territoires très riches sur lesquels c'est des territoires où vivent les communautés, comme l'avaient défendu les apatistes et les peuples indigènes du CNI, la volonté de pouvoir s'auto-gouverner et de gouverner, de gérer le sol et les sous-sols. Et on sait que là, c'est vraiment le bas qui blesse. Tous les gouvernants et les capitalistes derrière, les financiers, les entreprises. Et puis on sait donc que c'est ça, la logique extractiviste, elle s'appuie vraiment sur la dépossession des terres, et notamment des terres indigènes, pour pouvoir mettre en place leur projet. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que cette extraction, l'exploitation des ressources, c'est pas que de l'exploitation de ressources non renouvelables, puisqu'aujourd'hui, on a aussi des méga-projets en fait, qui se disent verts, avec par exemple au Chiapas ou dans l'état de Oaxaca au Mexique. On a des champs éoliens avec d'ailleurs EDF, qui fait partie des entreprises exploitantes, qui ont un impact très négatif sur les populations locales, et donc en particulier aussi les populations indigènes, et qui se battent aussi contre ces méga-projets verts. Voilà, pas si vert, puisque eux aussi, de toute façon, reposent sur de l'extractivisme ailleurs, pour les composantes de ces éoliennes ou panneaux solaires, par exemple. Mais voilà, donc partout aussi. Oui, puis ça met aussi en cause le fait qu'on consomme trop d'énergie. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on peut aussi, on a besoin d'énergie, mais on peut peut-être aussi penser qu'il faudrait moins d'énergie, consommer moins d'énergie. C'est ça, la racine du problème, c'est quand même ça, c'est la surconsommation d'énergie. Et ça, adresser cette racine du problème-là, ça remet aussi en cause tout le système capitaliste et extractiviste. Voilà, et donc partout en fait, où sévit l'extractivisme, fleurissent des mouvements de résistance partout sur le continent, avec souvent les peuples autochtones qui sont en première ligne. Et donc, les dernières décennies, elles ont vu une explosion de ce qu'on appelle des conflits socio-environnementaux, dans lesquels s'inscrit parfaitement le cas guyanais de l'opposition à la Montagne d'Or. Et donc, les personnes en fait, qui composent ces mouvements, ces défenseurs qu'on appelle des défenseurs et défenseuses des droits humains, de l'environnement, ils sont durement réprimés partout aussi sur le continent, et en Amérique latine en particulier. Cela va des menaces, ça passe aussi par des poursuites juridiques, souvent sans base, sans fondement, c'est ça. Et puis jusqu'à, bien sûr, l'extrémité des assassinats. Et puis là, bien sûr, on peut penser à Berta Cáceres, une femme autochtone défenseuse de l'environnement au Honduras, qui se battait contre le barrage hydraulique à Guazarca, qui s'est fait assassiner. Et puis plus récemment, en février dernier, pour revenir au cas du Mexique, la mort de Samir Flores, qui se battait contre un gazoduc, une centrale thermique au Mexique, d'autres grands projets, et comme tu le disais, qui sont soutenus par le nouveau président mexicain, pourtant de gauche aussi, mais qui est, voilà. Donc Samir Flores qui a été assassiné en février dernier. Et donc pour revenir au cas guyanais, et ces luttes anti-extractives, elles ont été donc le lieu d'un certain renouveau du mouvement amérindien de Guyane, avec cette jeunesse qui renouvelle ce mouvement, parce qu'ils maîtrisent de plus en plus les nouvelles technologies, ils s'organisent de plus en plus via les réseaux sociaux, via WhatsApp. C'est intéressant de voir ces évolutions-là. Ils maîtrisent de mieux en mieux et vraiment très bien leur communication. Ils font des films, ils maîtrisent tous ces outils-là. Ils savent mettre en scène aussi leur marche, leur lutte. Ils sont plus dans la confrontation, ils sont plus offensifs. Et elles, parce que ce n'est pas du tout que des jeunes hommes, c'est aussi des jeunes femmes. Et puis, ils utilisent des codes en fait qui font le lien avec ces autres peuples autochtones en lutte ailleurs. Donc par exemple, si vous voyez des photos du mouvement d'opposition autochtone à la Montagne d'Or en Guyane, on a des photos d'eux qui sont avec des bandanas rouges, avec des codes comme ça. En fait, les bandanas rouges, ça fait écho à ceux des femmes zapatistes, par exemple, au Chiapas. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a une certaine globalisation aussi quand même de la résistance. Voilà, de la résistance avec des codes et des luttes qui s'inspirent. Voilà, oui, puisque c'est les unes des autres. Oui, puisque c'est vrai qu'il y a quand même eu un mouvement au début des années 90 des peuples autochtones à l'occasion de l'anniversaire de la dite découverte de l'Amérique, avec justement la volonté de pouvoir marquer il y avait eu comme une sorte de marquer le mot. Enfin, il y a eu les années 70, puis les années 90, de nouveau, la volonté de pouvoir se relever, de pouvoir marcher et de faire de cette journée la dignité des peuples indigènes. Et il y a les apatistes qui se sont soulevés, qui ont aussi appelé à la dignité des peuples indigènes. Il y a tout un tas de mouvements qui, aux États-Unis aussi, qui étaient. On en a parlé à plusieurs occasions, mais qui eux aussi sont très organisés contre tout un tas de projets eux aussi gigantesques, des pistes de ski ou encore tout un tas de mouvements auxquels se sont intéressés du coup les jeunes Amérindiens de Guyane aussi. Ils ont internet maintenant, ils ont accès à tout ça et donc ils s'inspirent aussi de ça et ils ont aussi leur propre outil de lutte. Et je crois vachement d'inventivité aussi, parce que du coup justement les gilets jaunes cette année en France, ils ont peut-être inventé d'autres choses un peu nouvelles aussi par rapport à une marche classique là en occupant des ronds-points, etc., même s'il y a le samedi avec les marches, mais il y a aussi super intéressant les ronds-points parce que justement en Guyane en fait ce que sont nés ces occupations de ronds-points aussi dans le mouvement social de 2017 en Guyane, donc qui n'était pas du tout que propre aux personnes autochtones, mais donc tous les Guyanais qui ont commencé à occuper, faire des barrages et faire des barrages sur les ronds-points en fait. Donc c'est intéressant de faire le lien avec ça aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'on invente et en même temps on s'inspire toujours de ce qu'a pu faire d'autres compañeros à d'autres endroits. Ça inspire et on a aussi besoin de ça aussi pour se mobiliser. D'inventivité, parce qu'on est un petit peu asphyxié dans les modèles ici, là en France par exemple. Et quand tu vois les apatistes ont inventé énormément, mais quand tu regardes dans d'autres pays, il y a beaucoup d'inventivité où les femmes en Argentine qui avaient leur propre mode qui marque en fait aussi certaines façons de se mobiliser qui peuvent créer un impact plus fort. Et en Guyane, ce qu'on observe du coup via ce mouvement d'opposition à la Montagne d'Or, ça a été aussi, comme ce qui se passe ailleurs sur le continent américain, c'est ce tournant qu'on peut appeler éco-territorial en fait, avec des jeunes autochtones qui font de la lutte contre l'extractivisme, vraiment une lutte pour la défense du territoire, de ses éléments aussi, donc l'eau, une lutte pour l'eau, la forêt, la terre en Guyane, leurs terres ancestrales en fait. Et finalement, une lutte pour leur autodétermination et pour la décolonisation. Et c'est ça qui est vraiment super intéressant de voir comment ils dépassent le point strict de la question de la mine. Tout à fait. Et puisque tout ça rentre dans un système global qu'ils ont, que voilà, l'intelligence des gens d'en bas qui voient très très bien et de façon très claire en fait ce qui est en train de se passer. C'est tout à fait limpide quand on souffre au quotidien. Le système, c'est tout à fait clair que tout s'emboîte et tout va dans une façon de se relationner avec le monde, avec les autres, avec le pouvoir, avec l'argent. Et donc, du coup, une sorte de prise de conscience des gens en bas qui a une possibilité de se défendre vraiment contre un système, mais en partant contre le système réellement, effectivement, parce que tu as ta petite mine, là, en fait, finalement, si tu t'attaques qu'à la mine, tu sais qu'il y a d'autres mines derrière, où elle reviendra d'ailleurs un autre jour. C'est ce projet de mine, enfin, c'est-à-dire, comme tu le disais, une opportunité électoraliste. On le sait que l'aéroport, par exemple, en parlant de Notre-Dame-des-Landes, on sait que c'était un projet bien plus ancien et qui a ressurgi, qui de nouveau est enterré. Bon, et peut-être qu'il ne ressurgira pas, mais il y a d'autres projets qui pourront ressurgir à un autre moment sur les territoires adjacents ou autre part encore. Et donc là, pareil, la mine d'or, pour le moment, c'est mis en... peut-être bien qu'au congélateur et puis on peut le ressortir après. C'est tout à fait ça, vraiment. Il faut rester vigilant vis-à-vis de ça, puisque ce qui se passe souvent, c'est qu'en fait, officiellement, on abandonne le projet, mais en réalité, en sous-main, peut-être que le projet se fait un rebranding, en fait, se reforme différemment, un peu plus petit, un peu en gommant des aspects controversés pour le resservir quelques années plus tard quand la. Quand les gens sont un peu démobilisés, s'y attendent plus. Enfin voilà, donc faut vraiment rester vigilant. Autre chose dont je voulais vous parler un petit peu, c'était en reparlant de donc ce combat contre l'extractivisme pour les autochtones, qui est aussi finalement un combat pour l'autodétermination, pour la réappropriation de leurs terres et la décolonisation. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des logiques médiatiques qui sont mêlées à tout ça. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est aussi valable à l'échelle du continent. En fait, on a des alliances ou des rapprochements qui se font un peu partout entre organisations autochtones et organisations qu'on peut qualifier d'environnementales, certaines ONG. Et en fait, ça produit plusieurs effets. Certes, ça visibilise souvent la cause, cette cause-là, donc par exemple contre une mine, etc. Mais ça porte aussi certains risques parfois. Et donc là, ce qui est ressorti de certaines personnes que j'ai pu rencontrer, certaines personnes autochtones, c'est que attention de pas. En fait, le sujet de la mine et ces sujets plus qui sont qualifiés par nos médias, peut-être de plus environnementaux, attention que ça occulte pas le centre aussi de leur revendication, qui n'est pas que ça, qui n'est pas que la mine, mais qui est bien l'autodétermination et pour ce qui est de la France, la signature de la Convention 169 de l'OIT, qui garantit les droits des peuples autochtones, qui les reconnaît et qui reconnaît par exemple le droit à la consultation pour des projets qui vont les impacter directement. C'est vraiment ça le centre de leurs revendications, le foncier également, donc leurs terres en fait, avec les accords de Guyane de 2017 suite au mouvement social de 2018 en Guyane, qui accordait aux peuples autochtones les 400 000 hectares. Et ça, c'est toujours pendant, on ne sait pas encore où ça en est, ils ne les ont pas obtenus. Donc voilà, juste faire en sorte que ces sujets-là ne deviennent pas occultants, parce que c'est vrai que ce qu'on peut dire en Occident, il y a une rhétorique quand même bien formée autour des peuples autochtones comme gardiens de la nature, ce genre de qualificatif qui résonne avec les cultures, mais qui peuvent aussi être assez relativement essentialisantes parfois. Et peut-être invisibilise la diversité de ces cultures autochtones, tout simplement, de ces peuples et leur complexité. Et puis une détermination politique aussi. C'est-à-dire que du coup, ce n'est pas juste des personnes à qui on accorde le même droit de citoyen avec un regard bienveillant sur ces peuples qui auraient un folklore, etc. C'est-à-dire que du coup, il faut accepter ce droit politique qui, du coup, met aussi en porte-à-faux le système dans lequel... marche le monde, avec une possibilité des peuples autochtones qui pourraient gouverner vraiment selon leur propre mode. Je pense qu'effectivement, ils ont raison de le revendiquer. Est-ce que le monde pourrait peut-être changer ? Parce qu'ils ont souvent une autre vision du pouvoir, un autre rapport justement à la nature, mais donc justement sorti de toutes ces petites visions que chacun, de façon opportuniste, peuvent mettre en avant. C'est ça. Et donc, voilà, c'est à peu près les logiques que j'ai retrouvées aussi en Guyane. Et voilà, ils se battent quand même, certes, contre la mine, contre la montagne d'or, etc. Et puis, donc, il faut aussi parler de leur paillage en général, en fait, en Guyane, qui ne se limite pas à leur paillage légal. Mais il y a aussi leur paillage illégal, qui sont donc intrinsèquement liés et donc qui empoisonnent les populations. La population guyanaise en général et autochtone aussi en particulier, puisqu'il y a quand même des personnes dont les modes de vie reposent vraiment sur la pêche, toutes ces choses-là qui sont impactées par les pollutions que crée leur paillage, légal comme illégal, avec des pollutions au plomb, des intoxications. On fait une petite pause musicale et on se retrouve. FPP 106.3, c'est toujours la jungle des luttes jusqu'à 20h30. Sin salud y sin techo ni tierra, sin trabajo ni educación, sin derechos y en paz y en la guerra, sin justicia ni alimentación. Somos los herederos, somos perdidos. años de luchas contra la explotación. Basta, basta. Somos muchos millones de desposeídos que llaman a la nación, llamando a los hermanos de raza y sol a luchar frente a la ambición. Son los mismos traidores que hicieron la guerra contra la revolución. Persiguieron a Villa, Zapata y Morelos, Hidalgo, Guerrero, traición. Basta, basta. Son los mismos cobardes. Y mataron a obreros ferrocarrileros en el 58. Plaza de Tlatelolco, matanza cobarde en el 68. Basta, basta. La jungle des luttes, on continue avec la copine qui nous raconte un peu ce qu'elle a vu du côté de la Guyane et de la résistance contre ces grands projets extractivistes qui est un peu partout dans le monde, on le sait, on le disait, et surtout la grande force des peuples autochtones qui sont fortement mobilisés depuis quelques temps au Mexique notamment, ça on le suit de très très près, mais pas seulement, et donc justement en Guyane il y a eu un regain, une nouvelle dynamique, un regain de la mobilisation et de l'organisation avec une revendication donc politique aussi pour ces peuples à pouvoir s'autodéterminer, donc avec un conflit aussi qui concrètement concerne la France concrètement, puisque il s'agit de la Guyane française. Mais c'est un peu les mêmes problématiques, quels que soient les gouvernements, évidemment. Oui, tout à fait. Et ce qui était intéressant, j'ai un camarade de Guyane, une personne amérindienne, qui me disait, notre problème, c'est qu'on est face à deux colonialismes, celui qui s'inscrit dans la continuité historique des violences coloniales, avec aujourd'hui des multinationales, en l'occurrence pour la Montagne d'Or, c'était russes et canadiennes, qui veulent s'accaparer les ressources de leurs territoires ancestraux. Et à côté de ça, un colonialisme peut-être un peu plus déguisé, qui est un peu plus pavé de bonnes intentions, ce qui qualifie aussi de néocolonial, de la part, c'est vrai, de certaines organisations environnementales, des ONG qui parfois peuvent faire un peu d'ingérence et qui ont tendance des fois à se réapproprier les luttes autochtones à leur profit, au service de leur agenda qui n'est pas exactement aligné parfois avec celui des peuples autochtones. Donc aujourd'hui, les jeunesses autochtones, elles prennent aussi de Guyane, en tout cas, elles prennent aussi leur distance vis-à-vis de ces organisations qui parfois ne leur sont pas forcément favorables. Et voilà, donc à un niveau plus local, il s'est passé des choses intéressantes aussi que j'ai pu observer dans l'Ouest guyanais avec des collaborations, des alliances, notamment entre personnes amérindiennes et des groupes militants plus locaux. Comme à Saint-Laurent-du-Maroni, par exemple le groupe Amazon à défendre. En majorité composé de personnes qui vivent en Guyane, mais qui sont parfois et souvent originaires de France hexagonale. Et donc là, ce sont des problématiques qui vont émerger, qui vont être un peu différentes, qui, à mon sens, rejoignent beaucoup les réflexions de Juliette Rousseau, qui a écrit ce bouquin aux éditions Camboa, qui s'appelle « Lutter ensemble ». Et qui pose cette question centrale et très intéressante, à savoir comment créer des formes de lutte qui soient aussi agissantes sur les oppressions qui les traversent. Comment créer vraiment des véritables complicités politiques au-delà des frontières, notamment ethno-raciales, en l'occurrence amérindiennes, amérindiens blancs et bushinengués, par exemple en Guyane, etc. Comment en fait faire ensemble et sans être aveugle au système de domination qui nous traverse dans nos luttes? Et donc pour Amazon à défendre en Guyane, c'était quelle est notre place en tant que blanc métropolitain dans ce mouvement anti-extractif en Guyane? Quelle place on prend? Qu'est-ce qu'on fait? Etc. Et ce que j'ai pu observer, c'est que ces questions, elles peinent, et c'est valable pour un tas de groupes et pour le mouvement climat en général, comme le faisait remarquer Juliette Rousseau dans son bouquin, c'est que ces questions-là, elles peinent à être posées concrètement, qu'il y a peut-être un manque de réflexivité encore dans nos milieux vis-à-vis du positionnement social de nos groupes, de nos membres, bon là, en l'occurrence en Guyane, et peut-être encore trop peu de réflexion théorique sur les systèmes d'oppression, sur les privilèges aussi, ce que ça implique pour nos luttes, d'être sur un territoire colonisé, avec des personnes et des groupes qui n'ont pas forcément les mêmes agendas, pas les mêmes priorités politiques toujours, et ni les mêmes modes d'action. C'est ce que j'ai pu voir en Guyane, que parfois c'était pas du tout aligné entre ce que proposait Amazon à défendre et ce qu'avaient en tête des groupes, par exemple des associations communautaires bushinengues ou même les Amérindiens. Et je pense que voilà, encore une fois, c'est des observations qu'on peut faire ailleurs. C'est valable pas du tout que pour ce mouvement. Non, d'ailleurs, Guyane, ce que les apatistes avaient fait facilement mis en avant en racontant, nous on s'est soulevés nous-mêmes, par nous-mêmes, pour nous-mêmes, parce qu'on a bien compris que personne peut vouloir pour nous-mêmes, à part nous-mêmes. Et donc, à part le fait que ça, c'est pas pure rhétorique, c'est qu'en réalité, ils se sont bien aperçus, bien qu'ils aient ouvert la porte à un certain nombre d'organisations, au fur et à mesure, toutes ces organisations travaillent plus avec les apatistes parce que c'est extrêmement difficile de pas vouloir toujours ramener à soi et donc à son organisation, son fonctionnement, sa fondation qui pourtant a comme objectif de soutenir les apatistes, mais pourtant a ses propres contraintes justement, et c'est logique et finalement ça finit par parfois pas fonctionner ou alors peut-être que ponctuellement, et le problème c'est que souvent ça finit par s'installer, à s'instituer. Et ça grippe après des tentatives. C'est dommage, mais donc du coup ça demande vraiment un effort actif d'amener ces questions-là, de les prendre à bras le corps et d'en tenir compte vraiment de façon centrale dans une organisation comme ça, parce que c'est trop important. Pour pas reproduire des logiques de domination et des impensés, etc. Et j'avais une citation de Juliette Rousseau qui était super adaptée, et c'est je voulais vous la dire, Donc plus que jamais, entrer en résistance, constituer des fronts de lutte à même de faire face à cette agonie qui s'annonce, requiert des forces qui semblent nous manquer. Peut-être que nous-mêmes, nous nous manquons. Nous manquons de nous rencontrer, et quand nous y parvenons tout de même, nous manquons nos rencontres. Parce que nos espaces de lutte sont encore le plus souvent terriblement scindés. Parce que dans la majeure partie des cas, nous sommes incapables d'envisager la multitude des fronts et leur articulation. Parce que l'autonomie politique revendiquée ici et là par des groupes opprimés se retrouve foulée aux pieds par celles et ceux qui se pensent au centre et à l'avant des luttes. Et voilà, et c'est à peu près ces problématiques-là qui se sont posées. Et avec, on peut penser par exemple à la notion de convergence des luttes, qui parfois est convoquée un peu à toutes les sauces, mais souvent de façon située par certaines personnes. Là, en l'occurrence, je l'ai entendu parfois dans la bouche de certaines personnes du groupe Amazon à défendre. Et c'est la question, c'est mais qui converge vers qui et sur quel sujet? Et est-ce qu'on s'intéresse d'abord à ces autres groupes, à leurs priorités à eux et à elles? Est-ce que on va les rejoindre sur leurs causes spécifiques? Voilà, c'est ces questions-là qui m'ont animée à ce moment-là et qui se sont posées. Et donc l'enjeu, c'est d'arriver maintenant à créer des liens, mais sans nier, sans entraver le besoin d'autonomie politique de certains groupes qui vivent des oppressions qu'on ne vit pas, et sans universaliser nos agendas. Voilà. Et la dernière chose qu'on peut dire sur ce mouvement d'opposition à la Montagne d'Or, c'est que ça a révélé aussi tous les débats structurants en Guyane sur le modèle de société et le modèle de développement adopté pour le territoire. Et en fait, y en a qui remettent en cause le développement extractiviste basé sur la mine, qui proposent des alternatives, des développements alternatifs, que ce soit par l'agro-business, des choses comme ça, donc qui ne remettent pas en cause le développement, la notion de développement même. Mais il y a aussi des personnes qui réfléchissent à des alternatives au développement, à la notion même de développement, des façons d'en fait de faire fleurir ce territoire, mais qui ne passent pas par, forcément par son industrialisation. Et c'est intéressant de voir ces différents types d'alternatives voilà, qui fleurissent en Guyane. Merci beaucoup pour ton petit partage. Et puis, je crois que tu voulais partager d'autres infos avec nous, puisque du coup, justement, en parlant d'extractivisme et de projets, il y en a à l'appel. Donc, du coup, il y a aussi, on le disait aussi, plein de résistance. Donc, effectivement, c'est ce que rappelle aussi toujours c'est aussi ce pourquoi on appelle aussi à se rencontrer fin août, justement, du 19 au 23 aux alentours, dans le Pays basque français, pour un petit peu aussi se rencontrer, se donner des forces, puisqu'on sait que chacun, on est décimé un peu partout à lutter, à résister à un niveau local, et que c'est important de se rencontrer et de partager, de justement pouvoir peut-être partager des luttes, des formes, se donner des idées, et de la force et de l'énergie, de la solidarité, et peut-être aussi finir par construire ensemble quelque chose et converger en ayant peut-être construit cet objet vers lequel on pourrait aller sans que ce soit obligé d'être les uns et les autres, converger vers les uns et les autres. Et c'est un peu nous ce qu'on aime dans au comité, c'est l'idée, la jungle des luttes, c'est un peu aussi l'idée de ce que veut faire le comité, c'est-à-dire de créer des ponts entre les luttes, c'est-à-dire que s'apercevoir qu'être ici ou là-bas, c'est un peu la même chose, et autant lutter là où on est, là où on connaît, même si c'est très important de voyager et de découvrir et d'apprendre des autres, évidemment, bien sûr. Et donc, vous allez partir donc, au Chiapas cet été, donc je pense que tu pourras nous donner des nouvelles à ton retour. Mais tu ne vas pas seulement au Chiapas. Les actualités anti-extractives, la semaine prochaine, c'est l'action de désobéissance civile de masse N2-Galène-2 qui se fait depuis 2015 tous les ans. Cette action d'occupation d'une mine de charbon en Rhénanie, en Allemagne. Donc il y a un car qui. Deux bus qui partent mercredi de Paris. Et après, il faut se renseigner sur le site pour ailleurs en France si vous voulez rejoindre. La Rhénanie la semaine prochaine, c'est donc du jeudi 20 juin, semaine prochaine, jusqu'au dimanche. Cette semaine, là, jeudi, juin. C'est cette oui, semaine. Pardon, c'est vrai, ouais, c'est ça y est, on est passé lundi, dans trois jours. On est lundi. Voilà, donc ce jeudi jusqu'au dimanche, action en Rhénanie pour occuper une mine de charbon, avec les deux bus à Paris qui partent mercredi, le matin et le soir. Voilà. Ensuite, N2-Galène-2, elle a une branche française qui vient de changer de nom et qui s'appelle maintenant Radiaction pour adapter un petit peu les modes de lutte à la France avec notre énergie qui vient en majorité de notre parc nucléaire, n'est-ce pas ? Et donc, du coup, Radiaction qui va avoir un camp de lutte anti-nucléaire du 12 au 18 août 2019, voilà, qui se passera dans l'Eure. Donc je vous invite à aller voir leur site Radiaction pour en savoir plus. Voilà, camp de lutte antinucléaire en août, ceci. Et enfin, le 28 et 29 juin prochain, vendredi et samedi, on va avoir le bal des malfaiteurs, qui en fait est une journée, deux journées du coup, de soutien à la lutte antinucléaire de Bure. Voilà, Bure, ce projet d'enfouissement des déchets nucléaires contre lequel il y a de la résistance qui est durement réprimée. Voilà, donc deux journées, donc la première, le vendredi 28 juin, ça sera une projection, et le samedi 29 juin, plus lecture, discussion et bal. Tu nous as pas donné le lieu, c'est à la Parole Errante. À Montreuil. 28 et 29 juin, Montreuil, voilà, Parole Errante. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore partis, voilà, la semaine d'après, on peut aller sur Notre-Dame-des-Landes. Et donc, ensuite, il y a aussi les burlesques début août aussi, où je pense qu'ils invitent aussi à ce qu'on aille les rencontrer et les soutenir, puisque, comme on le disait, voilà, la répression commence à être sévère. Ensuite, c'est une question de médiatisation aussi. Du coup, on a faut aller chercher, faut rendre les choses visibles. Et là, je pense que ça va être compliqué, l'histoire de ces déchets-là, d'enfouissement, qu'ils abandonnent le projet. C'est assez tendu, et donc je pense que c'est important de se mobiliser et de les soutenir vraiment. On va bientôt se quitter, et on va laisser la place aux copains d'après. Donc on vous rappelle que vous avez donc la possibilité de rencontrer le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte donc, le mercredi à 20h30, le 1er, le 3e et le 5e. On aura donc la possibilité de vous voir l'année prochaine, à la rentrée prochaine, si vous voulez participer à l'organisation de nos 25 ans, si vous êtes proche ou si vous avez des choses à nous proposer. Qui, donc officiellement, on a 25 ans en février 2020. Donc. Et donc voilà, du coup, on fera ça peut-être plutôt au printemps en espérant avoir des journées un peu plus longues et plus chaude pour pouvoir avoir des activités peut-être en extérieur aussi éventuellement. En attendant, il faut se préparer. Et on a aussi une assemblée des luttes qui a été lancée depuis le mois de janvier suite à l'appel des apatistes, un nouvel appel hein, de plus, puisqu'ils sont en cesse les apatistes, de nous appeler à nous organiser, à nous rencontrer, à nous mobiliser, à solidariser quand il y a des moments un petit peu difficiles. Et donc, ils avaient identifié déjà depuis bien longtemps la tempête qui est en train de se lever sur le monde, ce qu'on évoquait aussi tout au long de l'émission. Et donc, la volonté de ces peuples autochtones, mais pas seulement, on le sait. Et donc, voilà, l'idée, c'est un peu de pouvoir partager. Donc, on avait créé une petite assemblée des luttes appelant tous les collectifs qui sont un peu sur une logique de, justement, de défense terre et territoire. Quelque chose qu'on a essayé de se rapprocher de cette idée-là, justement, on peut, sur un territoire urbain aussi, même si on n'est pas paysan ou agricole, on peut aussi défendre des territoires comme des espaces de vie. C'est-à-dire que la question de la terre, ce n'est pas seulement la terre agricole, c'est un territoire de vie où il se passe tout un tas de choses à condition qu'on puisse laisser les gens s'organiser. Donc, on a cette assemblée des luttes qui peut rencontrer des collectifs solidarité avec le Guatemala ou Honduras ou Pays Basque. Donc, il y a plusieurs collectifs qui nous avaient rejoints à cette assemblée des luttes. Et donc, on vous invite à venir dans 15 jours, pas mercredi prochain, mais 15 jours suivants, au 33 rue des Vignoles pour une assemblée des luttes pour un peu clore l'année avant cet été, essayer de se donner des rendez-vous ou des actions et avancer un petit peu sur notre rencontre et essayer de bien se rencontrer justement. Donc on va se quitter en musique et puis après notre petit hymne zapatiste, hein, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais donc notre petit générique de fin, c'est l'hymne zapatiste, il y a plusieurs versions. Et donc voilà, une petite pause musicale peut-être avant l'hymne et on laisse mon micro suivre. Salut à vous et dans un mois, troisième lundi, on se retrouve à 19h. Merci, salut.